Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue à une autre émission de Web Musique. C'est Simon Roy qui est avec vous pour la prochaine heure. Cette semaine, encore plein de bonne musique gratuite. Donc, musique que vous pouvez télécharger gratuitement et légalement. On va débuter avec un groupe russe du nom de M4. La pièce s'appelle Evening Pill. C'est un petit mélange de musique métal avec une petite tendance 8 bits au travers. Vous allez voir, une pièce assez surprenante. C'est publié sur Extreme Netlabel, un tout nouveau Netlabel qui ont, je pense, à peu près 3 albums à leur actif. Pas plus d'informations que ça. Toute l'information est en russe. Puis j'ai pas pris le temps de faire de la traduction. Donc, ben c'est ça. Faites vos recherches si vous voulez en savoir plus. Toute l'information est sur le site de Web Music. Ensuite de ça, ça va être un artiste de la ville de Vienne en Autriche. Il s'appelle Tapiresque. Sa pièce s'appelle Opus 7. C'est sur une compilation sur Larry Day, un excellent Netlabel. Donc, on va débuter Web Music avec ces deux pièces-là. We'll be right back. Une excellente pièce du Viennois Tapiresque avec sa pièce Opus 7. On aurait dit un peu la musique, ça aurait pu être une trame sonore pour un film de James Bond, je sais pas, c'est ça que ça me rappelait. Donc, publié sur Larry Day, un net label vraiment prolifique, beaucoup d'albums à leur actif, donc allez faire un tour sur Larry Day, ça vaut vraiment la peine. Avant ça, on avait débuté Web Music avec M4, un groupe russe à tendance metal 8 bits. C'était la pièce Evening Pill. C'était publié ça sur Extreme Netlabel. Pour la suite, toujours, on va se déplacer du côté de la Russie. Un Netlabel que j'adore, Mix Galaxy Records. Un autre Netlabel très impliqué dans le monde du net audio. Je vous invite à visiter leur site. Beaucoup d'albums intéressants. Je vais vous faire entendre une pièce de l'artiste russe Insanity 13. La pièce s'appelle ABC. Ensuite de ça, un artiste, j'ai pas l'information tout de suite, je vous en parlerai plus tard. L'artiste s'appelle Asaguaré. C'est la pièce Military Zone. Vous allez voir une voix passer un peu dans Autotune. D'habitude, je déteste Autotune, mais il me semble que ça fit pas mal pour cette pièce-là. Donc, ben, c'est ça tout de suite à Web Music. On écoute Insanity 13 avec la pièce ABC. Pièce pop à web musique, c'était Assa Guaré. C'est un producteur allemand qui est actif depuis les années 70. Donc, qui a toujours collaboré avec beaucoup d'artistes. Cette fois-ci, on entendait la voix de la chanteuse Farisha. Donc, c'était la pièce Military Zone. Avant ça, ben, c'était Insanity 13 avec la pièce ABC. Insanity 13, un artiste russe qui publie sur Mixed Galaxy Records. Donc, pour la suite de Web Music, on va entendre une pièce de Julia van der Piller, la pièce Awakening in Empty Room. C'est publié sur Eastern Recordings, un net label que je ne connais pas beaucoup, mais qui semble avoir du matériel intéressant. Donc, on va approfondir un peu plus. Ensuite de ça, sur un net label que j'apprécie de plus en plus, le net label s'appelle Sociopath Recordings. Sont spécialisés surtout dans le breakcore, dans le drum and bass, jungle, donc des trucs souvent assez brutaux. Donc ça fait toujours du bien une fois de temps en temps. Donc je vais vous faire passer une pièce de Matthäus, c'est sa pièce Black L Breaks Loose. Vous allez voir un drum and bass assez intéressant. Donc ben, tout de suite, on écoute Julia van der Piller. I'm going to go to the hospital. Pure noise, you cannot be any more pure and beautiful. The kind of music that could be the... Offrez-vous un t-shirt officiel de CKRL à $12 au lieu de 20. Pendant 5 semaines et jusqu'à épuisement des stocks, nos 5 variétés de t-shirts seront offertes en alternance pour seulement $12. Du 25 au 29 juillet, le jaune. Passez-nous voir sur semaine de 9h à 17h au 405 3e Avenue. CKRL, l'émission Le Continental de François Tremblay, c'est comme qui dirait un tantinet pré-potron-minet. Le Continental, c'est une danse, c'est aussi un déjeuner assez copieux, mais Le Continental, c'est également l'émission matinale de CKRL. Avec ses actualités au quotidien, ses choix de sortie et ses chroniqueurs chevronnés. Animé par François Tremblay, du lundi au vendredi dès 7h, Le Continental, seulement au 89.1. CKRL, 89.1. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, tout juste avant la pause, on entendait un artiste de la ville de Rotterdam au Royaume-Uni. C'était Matthäus avec sa pièce Black Hell Breaks Loose. C'était sur le net label taïwanais Sociopath Recordings. Avant ça, de la Russie, c'était Julia van der Piller avec sa pièce Awakening in the Anteroom. C'était publié ça sur Eastern Recordings. Pour la suite de l'émission, on va entendre un artiste à tendance psych-rock un peu, qui s'appelle Dumbo Gets Mad, ça nous vient de l'Italie. La pièce s'appelle Eclectic Prawn, c'est publié sur Bad Panda Records, un net label assez intéressant qui ont une montée assez fulgurante, donc à tous les lundis, ils ont une pièce... Donc, une nouvelle pièce qu'ils distribuent gratuitement. Vous pouvez télécharger, vous vous rendez sur le site de Bad Panda Records. Puis souvent, en même temps, il y a une entrevue avec l'artiste. Donc, ça permet de découvrir un peu plus les artistes. Ensuite de ça, après la pièce de Dumbo Gets Mad, c'est Volphonic, un artiste de la ville de Montpellier en France, un artiste que j'adore. Une pièce publiée sur LCL Netlabel, LCL pour Libre comme l'air. Donc la pièce s'appelle aussi Libre comme l'air. Vous allez voir, vraiment excellent. On écoute tout de suite Dumbo Gets Mad. Galactic Prawn. enter Italy to England. Travel to the internet all over the world. Take your back to nature and your roots in the ground. Understand the pulse will make the future of sound. I represent show Europe love. Can't see me, look high, I'm up there. Where? I'm up there, free as air. Air's what I wear up there, you can find me. This one, international dub. In the cloud of sound, pound above the ground. Fly through the air like pure white doves. We represent show Europe love. You can see us, look high, we're up there. Where? Who's on Europe up there? Yeah, we're up there, free as air. Everywhere up there, you can find us. Headset on the mic, that's a permanent fixture. I'll take it and then work at the mixer. Must be like duck and the levels of heat. Get the sound system booming and tweeting. No Twitter, no retweeting. I'm on the mic just actually speaking. Of course our music was still on call. Yeah, the music still reads for sure. I will run out of breath, no way. If the DJ still got place to play. Critics to play, we got place to play. Record breakers, mate, we got place to break. Real music star, we know rate the fame. There's a time for love and a place to hate. Make sound to shake round like earthquakes. Sound to break ground in the world today. History and nature like the roots in the ground. Through the internet we make the future of sound. Mountain be observing in your terra vessel. Italia, I'm telling ya, we're all over the globe. I'll take no come with a boring sound. Mix down, bring sound as warm and round. Vocal instrument like blowing trumpet. The flow I come with is so accomplished. When we team up, that's when it heats up. Come with homegrown organic sound. We make it steam up just like a teacup. You have to reach us, you have to reach up. Man, I never come in with a boring sound. I mix down, bring sound as warm and round. Instrument, my voice don't blow a trumpet. The flow I come with is so accomplished. When we team up, that's when it heats up. Come with organic homegrown sound. We make it steam up just like a teacup. If you need to reach us, you need to reach up. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL. On entendait une pièce de Volphonic, un artiste de la ville de Montpellier en France. La pièce s'appelle « Libre comme l'air ». C'était publié sur LCL Netlabel, qui petite compilation du nom de « Various Artists Free as Air ». Donc, une compilation intéressante. Je vous invite à la télécharger gratuitement. Ça vaut la peine. Rendez-vous sur le site de l'émission Web Musique, qui est au www.webmusique.ca. Le web s'écrit O-U-E. BE, donc vous avez accès à toute cette bonne musique. Vous pouvez télécharger toutes les pièces de façon gratuite. Il y a aussi la balado-diffusion qui est disponible. Donc, si vous n'avez pas le temps de l'écouter le dimanche soir à 21h, bien, vous pouvez l'écouter à tout moment en balado-diffusion. Vous avez juste à télécharger le fichier et écouter l'émission, peser sur pause, l'arrêter. Donc, vous avez le contrôle total de l'émission. Avant ça, c'était Dumbo Gatsmad, un artiste italien avec sa pièce Eclectic Prawn. Ça, c'était publié sur Bad Panda Records. Pour la suite, je vous offre deux pièces publiées sur le netlabel Enough Records. La première est d'un artiste russe de la ville de Kaliningrad. L'artiste s'appelle First Rebirth. C'est sa pièce Last Runaway. Puis ensuite de ça, toujours sur le même net label, c'est de Easton Ellis. C'est un duo montréalais. Je vous fais entendre leur pièce Glitches. Thank you. C'était le duo montréalais de Easton Ellis, donc qui vont être en spectacle le 29 juillet prochain. C'est au Quai des Brumes à Montréal. Donc, si vous êtes dans le coin, ben, allez donc les voir. Je pense qu'en spectacle, ça doit être vraiment excellent. C'était donc de Easton Ellis avec leur pièce Glitches. C'était publié sur NF Records. Publié sur le même Netlabel, on entendait avant ça, c'était First Rebirth, un artiste de la ville de Kaliningrad en Russie. C'était la pièce Last Runaway. Ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Vous vous rendez au www.webmusic.ca. Vous avez accès à toute cette bonne musique de façon gratuite et légale. On va se quitter sur une dernière pièce de l'artiste Plotka. C'est la pièce Luna Nad Nani. C'est publié sur le netlabel Kunabu. Donc, on se laisse sur une dernière pièce quand même assez longue. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une bonne soirée sur les ondes de CKRL. Ça va être tout de suite après, ça va être Cabaret Diaspora. Donc, ben, c'est ça. Passez une belle soirée à l'antenne de CKRL. I'm going to go to the next one.